de s'envoler lorsque tout devient vide, tout n'est que vide, tout est vide. Lorsque les pensées adolescentes ne parviennent de la sotte résignation. Ne va pas t'asseoir sur ton siège, attendre l'assimilation.